À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les journaux russes ont présenté les numéros spéciaux avec son portrait en sourire et sa photo. Le journal Serb i Molot de juillet et le journal Pravda Primorya numéro 26 ont exalté les exploits du grand leader qui a fait une grande contribution pour la patrie, la révolution et la cause d'émancipation de l'humanité. Sous le titre « Le président Kim Il-sung et Novichenko », le journal Kommersant a écrit que le président coréen a prodigué les bienfaits immenses à Novichenko, combattant internationaliste, et que cette noble obligation se transmet aujourd'hui encore comme légende. Le journal Komsomolskaya Pravda a présenté un article titré « Grand homme et fleur célèbre » et la photo du Kim Il-sungien, fleur d'honneur.